Il n'arrêtera pas la faim dans le monde. Il ne remboursera pas la dette de l'Europe. Il n'arrêtera pas les guerres. En fait, il ne changera rien. Mickaël vous sort du lit tous les matins et c'est déjà pas mal. This is Mickaël à la radio. 6h-9h30 sur Fun Radio. C'est l'info en trop sur Fun Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans les infos en trop, les infos intéressantes mais dont tout le monde se fout. La chanteuse américaine Kelly Clarkson va bientôt épouser le fils de son manager. Son fiancé Brandon Blackstock a toujours rêvé de faire sonner un vrai Clarkson dans sa voiture. Après le départ de Gérard Depardieu, l'écrivain Michel Houellebecq quitte l'Irlande pour revenir en France. La France lui manquait trop, Michel Houellebecq aime trop le canard. L'attaquant de Manchester City, Mario Balotelli, sait jouer au football mais a de graves lacunes. Son entraîneur a déclaré que Mario Balotelli mais ne sait pas écrire. Une manifestation de policiers dégénère à Grasse-Logne. Un agent perd un morceau de doigt. La police avait déjà du mal à lever le petit doigt, alors estropié, ça risque pas de s'arranger. Et pour terminer, si vous aimez les magasins... Ça va, elle est contente, elle est contente. Je me suis bien fait rire, c'est pas mal. C'est pas grave. Et pour terminer, si vous aimez les magasins de jouets et les films porno, profitez des promotions de MaxiTub. Tous les matins, Morning Show. Réveillez-vous avec Mickaël. Bien dormi? Pour ça, il aurait fallu que tu ne ronfles pas toute la nuit. Mickaël à la radio, tous les matins, 6h-9h30, sur Fun Radio. Fun Radio. Bon, allez, on va jouer maintenant. Ni oui, ni non, ni vous verrez bien. Le principe est très simple. Tu dois simplement, tenter de discuter avec Aline. C'est un peu le plus compliqué du jeu. Oh là là. Et puis, bah oui. Et avoir une conversation avec toi, c'est compliqué. Et donc, si tu arrives à ne pas dire oui, ne pas dire non et ne pas dire je, c'est gagné. D'accord? Très bien. Bon, évidemment, tu dois tout faire pour qu'elle le dise. Ça tombe sous le sens. C'est parti, on y va. Bonne. C'est quoi le troisième mot? Je. D'accord. Oh là, elle fait des signes. J'ai l'impression qu'elle fait atterrir un avion. Allez, on y va, Romain. C'est parti. Je te souhaite bonne chance. Ni oui, ni non, ni je. Go. Romain? C'est bien, moi. Ça va? À mon aise, et toi? Et toi, tu vas bien? Très, très bien. Quoi, tu vas pas bien? Si, je vais pas bien. C'est perdu. Deuxième défi. Allez, non, c'est pas juste. Eh oui, Romain, oui, parce que toi tu vas bien. C'est un jeu, hein, désolé, hein, mais ouais, c'est comme ça. C'est vrai. Et bon, ben, Romain, parce que le si c'était limite. Hein. Ouais, ouais. Romain, bah, c'est gagné, hein. Bravo à toi. L'iPod est pour toi. Tu vois, t'as bien fait te lever, hein. Tous les matins, Morning Show. Réveillez-vous avec Mickaël. J'ai passé une nuit magnifique. Ouais, ouais, mais maintenant tu vas penser à partir, hein. Mickaël à la radio, tous les matins, 6h-9h30, sur Fun Radio. Fun Radio. Allez, c'est parti, on va aller à vos thèmes maintenant, pour la question existentielle à base de bus. Oui, bah je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on écrivait hors service sur les bus, alors qu'en fait, bah les bus roulent, quoi. Ouais, alors que la machine à café de Fun, il y a marqué hors service, mais elle donne pas de café, quoi. Voilà, ouais, voilà, ça fait vraiment hors service. Allez, c'est parti. Bon, ça là, Audrey Remange. Allô? Oui, bonjour madame. Quoi? Voilà, en fait, je vous appelle, j'avais une petite question à vous poser. Ah ben, laissez-moi tranquille. Bah, oui. Vous pourriez répondre à ma question quand même. Ah oui? Bah oui. Ah, on a bien senti le ah oui là. Ouais, ouais. On l'a bien senti. Ouais, allez hop, on rappelle. Ça dans ta gueule. On rappelle, on rappelle, on rappelle. Allô? Oui, excusez-moi, mais je crois que nous avons été coupés. Je peux savoir à qui vous parlez? Oui, moi je suis Toff. Et vous, qui êtes-vous? Vous êtes qui? Je suis Toff. Vous êtes Toff? Oui. Ah bon? Voilà. Eh ben, je ne connais pas Toff. Et vous m'emmerdez. Ça va? Ma foi, madame, faut pas être aussi vulgaire, c'est... Alors, maintenant, je vais arrêter de sonner. Parce que je voudrais bien me redormir. Bah oui, mais vous pourriez répondre à ma question avant. Non. Non. Bah pourquoi, madame? Bah c'est pas gentil. On n'aura jamais de réponse, hein, c'est un truc de ouf. J'ai bien aimé ce non. Non. D'accord, ok, bah vous fâchez pas pour autant, c'est pas grave, pardon. Pas de problème. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Tous les matins, Morning Show. Réveillez-vous avec Mickaël. Alors, heureuse? Mickaël à la radio, tous les matins, 6h-9h30, sur Fun Radio. Fun Radio. Aline, tu relous les meilleurs messages laissés sur le 0473-86-0013. Allez, c'est parti, on écoute ça tout de suite. Bonjour Serge, comment tu vas? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, alors quand est-ce que tu... On va faire une partouze à deux. Allez. Eh oui, parce qu'une partouze à deux, c'est mieux. Oui. Non, mais c'est vrai quand même, la partouze à deux, c'est quand même mieux que la partouze tout seul. Oui, bien sûr. Tu vois? Ah oui, oui. Bah oui. Bon, message suivant. Salut Lolita, donc c'est Loïc, de un collègue en Antonie, j'ai 48 ans, un peu plus quoi. Et donc je voulais te faire découvrir mon expérience. J'aime bien ça, les CUNY, le missionnaire, plein de positions qui sont très chaudes. Donc c'est à toi de voir si tu aimes. Mais oui, bien sûr qu'elle aime, évidemment, ouais, qu'elle adore. Oh là là. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio.